الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يعني أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم بسبب دخول العوامل المختلفة. Donc l'i'rab c'est le changement de l'état de la terminaison du mot à cause donc à cause des l'awamil différentes en fait donc selon les différentes choses qui le changent. وذلك نحو زيد فإنه قبل دخول العوامل موقوف ليس معربا ولا مبنيا ولا مرفوعا ولا غيره، فإذا دخل عليه العامل فإن كان يطلب الرفع رفع، نحو جاء زيد فإنه فعل يطلب فاعلا والفاعل مرفوع فيكون زيد مرفوعا بجاء على أنه فاعله، نحو exemple زيد avant l'entrée de ce qui le change on dit qu'il est موقوف. Il n'est pas mu'arab, il n'est pas décliné, ni mabni, ni marfour, ni autre. C'est un amil, une chose rentre sur lui, qui va le changer. Si ça nécessite un rafa, il sera marfour. Comme par exemple, nahu, ja'a zaydun. Donc ainsi, ja'a est un verbe qui nécessite un sujet fa'il et le fa'il est marfou', ainsi Zayd donc est marfou' par ja'a parce que c'est le sujet de ja'a. Donc ainsi Zayd avant qu'il y ait quelque chose qui le change il est mawquf, on dit qu'il est mawquf. Mawquf c'est comme si on dit en attente, en stand-by. Il n'est pas mu'arab. Mu'arab, c'est décliné, en fait. Ni mabni. Mabni, c'est ce qui ne change pas. Mabni, c'est ce qui ne se décline pas. On verra, il y a des cas où les mots ne se déclinent pas. Donc, il est mawquf. Il n'est pas mu'arab, ni mabni, ni marfou, ni autre. S'il rentre sur lui un amil, l'amil, c'est ce qui va agir, en fait. Si cela nécessite un rafa, donc ce mot-là sera marfoua, comme ja'a zaydun. Ja'a, ainsi, ja'a est un fa'il qui nécessite un fa'il. Et le fa'il est marfoua, ainsi zayd devient marfoua par à cause de ja'a, parce que il en est le sujet. وإن كان العامل يطلب النصب نصب ما بعده نحو رأيت زيدا فإن رأيت فعل والتاء فاعله وزيدا مفعوله والمفعول منصوب. Ici, ce qui agit العامل nécessite un nasb, c'est-à-dire requiert un nasb de ce qui le suit, comme ra'aytu zaydan, ainsi ra'aytu fa'l, verbe, et atta, le tout est le sujet en fait. Ra'aytu, c'est-à-dire moi j'ai vu. Ana ra'aytu. Ra'aytu zaydan. Et Zayd est maf'oul, maf'oul du verbe. Et le maf'oul est mansoub. Donc c'est pour cela, ra'aytu Zaydan. Le tout est sujet, sous forme de pronom donc. وَإِنْ كَانَ يَطْلُبُ الْجَرَّ جُرَّ مَا بَعْدَهُ نَحْو الْبَاءُ فِي نَحْو مَرَرْتُ بِزَيْدٍ فزيد مجرور بالباء. Si cela requiert donc al-jar, c'est-à-dire al-khafd, donc ce qui le suit sera donc majrour. Ce qui le suit sera majrour, comme al-ba dans marartu bi zaydin. Zayd est majrour avec le ba. Donc zayd il était dans trois cas. En cas on a vu zaydun, zaydan et zaydin. Selon le cas en fait. فتغير الآخر من رفع إلى نصب أو جر هو الإعراب وسببه دخول العوامل. Ainsi, le changement de la fin de rafa à nasb ou jar, c'est cela l'i'rab. Et la cause de cela, c'est l'entrée de ce qui agit al-amil.